La cérémonie de constitution du comité du Congo démocratique pour le souvenir du président Kim Il-sung a lieu à Kinshasa. Y ont pris part les personnalités de divers partis politiques et formations. Le comité a décidé d'organiser les cérémonies politico-culturelles comme le rassemblement de souvenirs, le séminaire sur les exploits, l'exposition de photos et la science de film pour exalter les exploits immortels du grand leader à l'occasion du 8 juillet. Par ailleurs, la cérémonie de constitution du comité pour le souvenir du président Kim Il-sung a eu lieu à Conakry, Guinée.